Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Ciné Dimanche. Alors, cette semaine, on se fait un petit menu spécial super-héros et immortels. On va commencer donc avec, en entrée, Hellboy The Crooked Man. Alors, vous me pardonnerez l'accent, hein. The Crooked Man. Bref, le dernier Hellboy en date, qui a quand même beaucoup de détracteurs, mais qui a quelques qualités quand même, nous développerons après. En plein de résistance, bien dense, bien caramélisé, qui va bien coller au palais encore une fois. Le corbeau vous parlera de Captain America Brave New World, et à la surprise générale, je ne vais pas spoil, mais ça m'étonnerait qu'il ait aimé. Et en dessert, donc, je vous proposerai le premier Highlander avec notre cher Christophe Lambert et Sean Connery. Et enfin, pour faire passer la douloureuse, le trou normand en quelque sorte, Highlander 2 Renegade Version. Bref, commençons tout de suite avec Hellboy The Crooked Man. Eh bien, autant briser le suspense maintenant, je ne me joindrai pas à la meute hurlante pour dénigrer ce Hellboy. Attention, je ne vais pas en dresser les louanges non plus. Je vais vite et évacuer ce qui ne va pas. Vous l'avez déjà tous entendu au moins une fois. Le film est cheap. C'est un petit budget de facture télévisuelle et les SFX sont vraiment pas glorieux. Les effets physiques et autres maquillages sont un peu plus convaincants sans être parfaits. Et pour finir, certains tics de réalisation devraient vraiment être bannis à tout jamais. J'ai aussi beaucoup entendu critiquer le rythme très lent du film. Sans le trouver parfait, il est néanmoins en adéquation avec le scénario et permet d'installer une ambiance pesante. À titre purement personnel, le scénario à base de sorcellerie et d'ésotérisme me plaît pas mal. Et le côté horreur rurale, façon Lovecraft, est très appréciable également. J'aime énormément les deux opus de Del Toro, ils sont absolument fabuleux et terriblement grandiloquents. Hellboy y sauve à chaque fois le monde. Ici, on resserre beaucoup l'enjeu, et tout ce qu'Hellboy va sauver, c'est sa peau et potentiellement ceux qui l'entourent. Finalement, ces enjeux resserrés servent habilement un scénario un peu alambiqué, mis en scène chichement. Le décor rural est à la mesure des enjeux, lui aussi. Dommage qu'il ne soit pas très bien mis en valeur. Bref, un film pas si mauvais que ça. Un peu décevant, certes, mais avec quelques rares qualités. J'ai bien aimé sa proposition et son ambiance. Comme quoi, il y a des films de super-héros sans budget tout à fait convenables. Et maintenant, voyons l'exemple d'un film de super-héros, un blockbuster de super-héros, pardon, avec un budget faramineux, et écoutons ce que le corbeau en pense. Le nouveau Captain America, Sam Wilson, l'ex-Faucon, travaille maintenant pour le nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, le général qui poursuivait Hulk. Après une mission, il se voit proposer de reformer les Avengers. Il est réticent, car ses relations passées avec Ross ne sont pas bonnes. Cependant, ce dernier semble être un homme nouveau, qui espère exploiter l'immense île des Célestes, vue dans le film Les Immortels, pour en extraire l'adamantium, plus solide que le vibranium. Et à partir de là, complot, bagarre et tensions internationales. Bon, on en est au 35e film de la 5e phase. Autant dire qu'on fatigue. Honnêtement, j'ai aimé quelques films de Marvel, notamment Captain America. Chose assez improbable d'avoir rendu intéressant un héros aussi falot. Mais maintenant, ce n'est qu'une suite de téléfilms friqués, et quand je dis téléfilms, c'est pour la réalisation plate et l'absence totale de prise de risque. Chris Evans était un excellent Captain America. Anthony Mackie était déjà un faucon tout mou, il devient un Captain America Wish. De son côté, Ross est désormais interprété par Harrison Ford, après William Hurt et Sam Elliott. Je ne sais pas si c'est un bon choix, vu à quel point Harrison Ford s'en fout. En même temps, il s'en fout depuis plus de 20 ans, et il n'a pas l'excuse de l'aphasie comme Bruce Willis. Donc, acteur peu impliqué ou mal casté, action molle, scénario indigent, et sans surprise. D'ailleurs, un grand bravo au marketing pour l'apparition du Red Hulk dans la bande-annonce. Vous êtes des champions, les mecs. Bon, le film ne manque pas d'humour. On a le droit à Ruth Bat Seraf, en ancienne veuve noire russe, donc exude ses origines israéliennes. C'est dommage de l'avoir fait interpréter par une actrice israélienne. Mais bref, faudrait pas fâcher les extrémistes. D'ailleurs, ce personnage, 50 kg, 1m57, et c'est censé être une super-héroïne. On dirait la fille naturelle de Michel Petrucciani. Le film aurait pu être intéressant s'il avait été centré sur Isaiah Bradley, le Captain America noir. Il est juste survolé, et c'est dommage parce qu'un personnage comme lui aurait été un arc narratif assez intéressant. Pour parler de l'Amérique d'après-guerre et de la ségrégation. Et je ne parle même pas de la résolution du film, où on arrive à calmer Red Hulk en lui disant qu'il peut changer et que sa fille serait fière de lui. Et puis quoi encore, vous ne voulez pas lui offrir une assiette de crêpes et un doudou licorne ? Bref, comme d'hab, un océan d'eau tiède vite vu et vite oublié. Eh bien, la surprise générale, Ronchon Premier n'a pas aimé le dernier Marvel. Bon, en même temps, il n'y a plus grand monde pour aimer les derniers Marvel. Alors, pour le dessert, laissez-moi vous proposer Highlander. Et je vais l'avouer d'entrée de jeu, mais j'aime beaucoup ce Highlander ainsi que les suites et séries qui en ont dérivé. Et je dois aussi admettre une certaine tendresse vis-à-vis de Christophe Lambert. Je pense que c'est le seul acteur avec qui j'aimerais parler de sa carrière. L'été dernier, j'ai eu l'immense bonheur d'aller en Écosse et je suis tombé amoureux de ce pays, de sa culture, de ses paysages et notamment les Highlands. Et à peine rentré, je suis tombé sur le DVD. C'était un signe. Et ce premier opus est quand même très bon. Entre la musique de Queen, Christophe Lambert, Sean Connery et les paysages magnifiques de l'île de Skye, moi je signe. En bonus, on a un méchant mythique interprété avec talent par l'immense Clancy Brown. Que demander de plus? Certaines mauvaises langues diraient « de plus beaux combats à l'épée ». Et je trouverais ça mesquin. Justifié, certes, mais mesquin. On peut aussi trouver ironique qu'ils aient casté un Écossais pour jouer un Égyptien et un Français pour jouer un Écossais. Mais ce serait franchement pinaillé pour pas grand-chose tant le film apporte de satisfaction. Le rythme est agréable sans être effréné, le mystère autour des immortels reste entier, pour moi c'est du niveau « ta gueule, c'est magique » et ça me convient parfaitement. Franchement, moi, ça m'a donné envie de me servir un bon Ben Nevis, d'enfiler un kilt et d'écouter des reprises de Queen à la cornemuse. Vivement la suite! Et justement, en guise de trou normand, ou alors de haggis si vous êtes plus écossais, attention, le haggis est un plat et non pas une friandise. Bref, pour terminer le repas, laissez-moi vous proposer Highlander 2 Renegade Version. Et admirez un peu cet accent anglais qui en fait rêver plus d'un. Je l'ai encore tiré au hasard et j'en suis très content, laissez-moi vous l'avouer, Highlander 2 est mon préféré de la saga, surtout parce qu'il est complètement fou, bancal, nonsensique, plus que de raison, et je n'ai pas encore le plaisir d'avoir vu cette Renegade version. Et c'est maintenant chose faite et j'en suis ravi. L'histoire de Zeist, la rébellion intervient beaucoup plus vite et prend plus de place et c'est très bien comme ça. C'est toujours con et absurde, mais il y a du rab. Et moi j'aime bien quand c'est généreux. J'aime toujours autant la séquence du rajeunissement de MacLeod, et j'ai l'impression qu'elle est plus longue ici. À la fois très belle avec de beaux décors et une chouette lumière, et à la fois tellement ridicule avec Totoff qui sort des flammes et la course-poursuite en overboard. D'ailleurs c'est un peu à l'image du film. J'aime beaucoup la patte visuelle, d'ailleurs le bouclier en bleu est bien plus joli qu'en rouge, et le film a un tel niveau de non-sens que c'en est génial. J'aime beaucoup la musique aussi, mais j'ai un parti pris puisque j'adore Queen. Et puis, il y a le plaisir de retrouver Sean Connery, qui ne fait même pas semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Et Michael Ironside, l'éternel méchant qui cabotine comme un petit fou. Petit bémol, cette version ne contient pas la fin avec MacLeod qui plagie Peter Pan. Ah, on était à ça de la perfection. Mais bon, pour moi, ça reste du bonheur en barre. Et voilà, j'espère que notre petit menu du dimanche soir vous a satisfait. Moi, personnellement, j'étais absolument ravi de vous parler d'Highlander, et des deux Highlanders, et même quelque part de Delboy. Désolé, le corbeau n'a encore pas passé une bonne semaine. Allez, n'oubliez pas donc de vous abonner à Galaxy Pop Nouveauté, de vous abonner au flux de Branque Sinon Rien, donc Ciné Dimanche. On a 15 millions de noms, vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez m'entendre un petit peu plus, il y a aussi les flux de Blindcast, où on fait des blind tests avec 60s et parfois des invités. Et il y a aussi les pods de la crypte, animés par 60s, mais écrits par moi. Voilà, j'ai fait ma petite promo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à nous suivre, à faire des retours, et je vous dis à la semaine prochaine, salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.